Bon, bah déjà, j'espère que je vais pas être trop répétitive puisque Nawal et moi venons du même berceau, donc on a un certain nombre de. Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter en fait une méthodologie que j'ai imaginée dans le cadre d'une recherche qui portait sur les usages de l'information d'actualité. Et dans le cadre de laquelle je m'étais intéressée à la manière dont les individus élaboraient des parcours de recherche et de consommation d'informations d'actualité, et notamment en ligne. Et j'avais cherché donc à cette occasion à comprendre les pratiques médiatiques d'une part, et d'autre part le sens donné à l'entrelacement justement de différentes sources médiatiques. Alors, par parcours de recherche, de consommation et d'information d'actualité, j'entends toutes les actions qui s'inscrivent effectivement d'abord dans des phases de recherche, c'est-à-dire d'aller mobiliser des médias, tout type de support confondu, sur la phase de sélection, c'est-à-dire j'ai trouvé un certain nombre d'informations, lesquelles je sélectionne et que je compte consommer, et la phase de consommation, lecture, télévision, etc., etc. J'espère que je suis claire, c'est juste pour... Donc l'objectif de la recherche, c'était justement d'essayer de capter les usages informationnels des individus, et mon regard se portait donc sur la pratique de plusieurs types de médias, dont les supports, les formats et donc les temporalités étaient différents. Usage informationnel, c'est de la même manière, ça inclut du coup tout ce qui est intégré, toutes les actions intégrées dans ces parcours de recherche, de consommation d'informations d'actualité. Et bon, dans le cadre de ce séminaire, c'est la dimension temporelle effectivement qui est la plus éclairée. Donc je me suis intéressée donc à plusieurs types de médias, et ces temporalités différentes donc étaient au cœur de l'injonction à construire une méthodologie adaptée, puisque par exemple, si on prend l'exemple d'un journal papier, donc là, la publication est régulière, elle est située dans le temps, on est capable de dire si le journal est un journal hebdomadaire, quotidien, a priori on est capable de savoir à quel moment il sera disponible en kiosque. Et donc l'usage est alors conditionné au moins par un indice temporel, au moins par le fait de savoir quelle est la régularité par exemple de publication du journal ou de la revue. A contrario, un blog d'information ou même un site d'actualité n'est pas soumis aux mêmes contraintes de temps. Donc la définition d'un rythme de publication n'est pas forcément nécessaire. Il est même plutôt rarement régulier. Mais les horaires de réception sont également beaucoup plus libres, et de fait, le rapport entre le temps de diffusion et le temps de réception peuvent se combiner différemment selon les médias. Par exemple, dans le cadre d'un journal télévisé, le temps de diffusion de l'information et le temps de réception de l'information sont forcément combinés. Dans le cas d'un blog, par exemple, les rythmes de diffusion de l'information par le blogueur et les rythmes de consommation peuvent être des temps totalement différents. Et donc, on peut imaginer que l'usager est amené à se rendre plus régulièrement du coup, sur le support pour savoir s'il y a eu des nouveautés ou pas. Voilà. Donc, même si la recherche en elle-même n'est pas le sujet de la présentation, il me semble quand même nécessaire de préciser rapidement l'échantillon que j'avais sélectionné. Puisqu'effectivement, c'était un échantillon assez particulier, puisqu'il s'agissait vraiment de personnes qui avaient été sélectionnées parce qu'elles avaient des usages informationnels plutôt denses, qu'elles mobilisaient pour cela plusieurs sources d'informations, plusieurs types de médias, et qu'au sein de ces médias se trouvait comme une variable de sélection la pratique d'Internet. Donc dans le titre, j'évoquais la dimension située de l'action, parce qu'effectivement, j'ai, à l'occasion de cette recherche, invoqué la théorie de l'action située, qui vise à comprendre comment les activations se font dans un cadre donné, spatial et temporel, donc ce cadre pouvant être défini par les interactions et par l'environnement. Et je vais m'appuyer ici principalement sur les travaux de Julien Figeac, qui l'a mené en 2007, dans le cadre desquels il postulait qu'effectivement, l'activation des pratiques informationnelles dépendait en partie de la configuration des situations quotidiennes. Et donc en ce sens, il explique, par exemple, l'audience massive des journaux télévisés et radiodiffusés par la possibilité d'articuler leur écoute à un grand éventail de tâches quotidiennes. Donc, en fonction des supports, l'individu va être soumis à une forme de diffusion de l'information différente, et en fonction de celle-ci, des temporalités d'usage se dessinent différemment, puisqu'il peut combiner plusieurs activités ou pas. Donc, par exemple, une de mes enquêtées triait les sites d'information qu'elle consultait. Certains pour lesquels elle n'avait qu'un intérêt mitigé et qu'elle qualifiait de plutôt léger, et qu'elle consommait lorsqu'elle était au travail, ou entre midi et deux. Par contre, certains sites ou blogs qu'elle jugeait plus denses, plus intéressants et plus proches de sa vision des choses n'étaient consultés que le soir, chez elle, lorsqu'elle jugeait qu'elle avait le temps et qu'elle se sentait suffisamment disponible et tranquille pour pouvoir s'adonner à cette activité. Donc parallèlement, la question de l'environnement, et d'où l'invocation de la théorie de l'action située, est fondamentale. Et je reprends ici donc les travaux de Julien Figeac sur la télévision mobile, cette fois, et dans le cadre desquels il explique par exemple le cas d'un individu qui choisit, lorsqu'il prend les transports, de consommer, enfin de regarder la chaîne d'information en continu, et donc de consommer de l'information à ce moment-là. Pourquoi il choisit cette chaîne, et non pas les séries qu'il va du coup regarder plus tard en rentrant chez lui? Parce que le temps du transport est jugé trop long pour rester inoccupé, mais trop court pour justement pouvoir regarder une série. Or, les rythmes de diffusion proposés par ces chaînes en continu permet en fait de pouvoir saisir une séquence de journal télévisé pendant le temps du transport. Et donc effectivement, l'usage n'est pas du tout... est convoqué parce que en fonction de la situation et de l'environnement. Donc face à cela, et donc avec ces exemples cités, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est qu'effectivement, ce sont des pratiques qui ne sont limitées ni dans le temps, ni dans l'espace. Et donc, elles ne sont pas limitées dans le temps, puisque nous avons parlé effectivement de dispositifs numériques qui vont s'émanciper des rythmes de diffusion traditionnels, mais dit dans l'espace, puisque l'information peut être consommée à la maison, dans les transports, au travail, à peu près n'importe où. Donc l'ambition de méthodologique serait de mettre en place un dispositif capable d'observer et d'enregistrer des individus 24 heures sur 24 et de le suivre partout. Cela paraissant pas très réaliste, j'ai proposé du coup de présenter un dispositif que j'ai élaboré comme suit. Donc j'ai effectivement pensé à mobiliser la méthodologie du cahier de temps, donc, dont on a largement parlé. C'est effectivement une des méthodologies qui était le plus citée dans les études sur ces questions d'usage informationnel. Donc je ne reviens pas sur la méthodologie en elle-même, mais effectivement c'est une méthodologie que j'ai choisi d'écarter parce que mon ambition au départ c'était vraiment de capter les différents régimes d'engagement dans la recherche et dans la consommation d'informations d'actualité, et le fait de renseigner le journal de bord supposait en soi de rompre avec les temporalités de l'action informationnelle engagée. Donc il fallait soit abandonner son activité pour la mentionner dans le journal, soit ajouter une nouvelle action à celle en train d'être faite, puisque de fait si je suis en train de lire le journal, que je m'arrête pour renseigner le journal de bord et que j'y reviens, je rajoute une nouvelle séquence d'action, ou alors de le renseigner un peu plus tard. Pour moi, cette rupture temporelle qu'amène cette pratique posait deux biais qui me paraissaient, pour le coup, insurmontables dans le cadre de cette recherche-là. D'abord, l'action de mentionner son activité rompt totalement avec la dimension routinière de certains usages, comme par exemple le fait d'écouter la radio sur le chemin du travail dans la voiture. En effet, appuyer sur le bouton de la radio dans la voiture peut être totalement une routine et un réflexe. Et cet usage médiatique dans le parcours de recherche et de consommation d'informations n'est pas du tout entendu comme tel par l'individu. C'est-à-dire qu'il peut effectivement écouter une émission d'information d'actualité pendant le trajet, mais ne pas du tout considérer que cela fait partie de son parcours d'information. D'autre part, remplir ce journal signifiait aussi que l'individu faisait un premier tri, soit parce qu'effectivement, comme je viens de le dire, il ne qualifie pas l'action d'acte informationnel, soit parce qu'il choisit de mettre en avant certains usages plutôt que d'autres. Et effectivement, par exemple, c'est ce que j'ai constaté plus tard, mais effectivement, il y a des individus qui préfèrent mettre en avant la lecture de certains journaux et ne pas en mentionner d'autres, qui sont perçus comme moins valorisantes, par exemple comme la lecture des journaux gratuits, qu'on oublie du coup de signaler dans ces cas-là. Donc la deuxième méthodologie que je m'étais proposée de mettre en place, c'était l'utilisation de logiciels de capture d'écran, puisque le média central de ma recherche restait quand même le média numérique. Et donc ce que je pensais faire, c'était mettre en place dans les ordinateurs des enquêtés un logiciel qui prenait des captures d'écran et qui me permettrait du coup de voir les différents sites visités et de mesurer le temps resté sur chacun, ainsi que les rythmes de consultation. Donc le délai de l'installation de ce logiciel était sur 4 jours. C'est un logiciel qui avait déjà été testé justement sur une autre recherche par Monsieur Jean-Pierre Rouche, et dans le cadre de laquelle en fait ils étudiaient les usages adolescents de l'ordinateur et d'Internet. Et donc ils avaient décidé un temps, un rythme de capture de 20 secondes. 20 secondes pour moi c'était beaucoup trop par rapport aux pratiques informationnelles effectives sur Internet, donc je l'ai descendu à 10 secondes. Alors les problèmes que cette installation et cette méthodologie ont posé, le premier problème c'était un problème effectivement d'intimité, c'est que c'était extrêmement difficile que les personnes acceptent de mettre un logiciel espion sur leur ordinateur même pendant 4 jours, que du coup il y a plusieurs personnes qui ont refusé, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc dès le départ j'ai quand même tenu à continuer, mais je voyais bien que ça allait être compliqué parce que j'allais me retrouver avec des données pour certains enquêtés et pas pour d'autres. Ensuite il y avait des problèmes techniques. Donc le premier problème technique c'était effectivement avec cette question du rythme des captures. Bon, ben voilà, j'ai fait ce premier choix. Mais également avec simplement la technologie, c'est-à-dire qu'il y avait le logiciel n'était pas forcément compatible avec tous les systèmes d'exploitation, etc., ce qui a encore enlevé d'autres enquêtés qui étaient d'accord, mais pour le coup, pour lesquels ce n'était pas possible. Un second problème technique, c'est que dans certains cas, enfin dans un en particulier, le logiciel n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que quand je suis venue récupérer les données qu'il était censé avoir récoltées, en fait, il n'en avait pas récolté. Et comme c'est quand même un dispositif éprouvant, ben, les gens n'acceptent pas de recommencer. En gros, si ça n'a pas marché, tant pis pour toi. Et le troisième problème technique, et ça a été abandon, c'est que je me suis retrouvée effectivement avec, pour un enquêté, on arrivait avec un corpus d'environ 30 000 images. Donc 30 000 images dans un ordinateur. En gros, l'ordinateur plante. Voilà. Et enfin, de toute façon, s'est posé très rapidement un problème de représentativité qui justement est apparu quand le logiciel n'a pas fonctionné, puisque la personne m'a dit mince, c'est dommage parce que je m'étais vachement bien appliquée cette semaine. Oui. Effectivement. Voilà. La troisième méthodologie donc, que j'ai mise en place, c'est des entretiens. Alors du coup, lors desquels j'ai soulevé plusieurs questions, mais parmi ces questions, effectivement, les usages informationnels. Et c'est des entretiens, quand les conditions le permettaient, que j'ai menés devant un ordinateur. Donc, c'est-à-dire que les personnes, en faisant l'entretien, pouvaient me montrer les sites sur lesquels ils allaient, etc., etc. Donc, face à l'échec cuisant sur du logiciel de capture d'écran, et aussi dans le cadre des impératifs temporels qui étaient inhérents à la recherche dans le cadre du master, j'ai dû abandonner justement l'ambition d'observer les usages informationnels de manière pragmatique. Et du coup, j'ai décidé de déplacer un petit peu mon questionnement. Mais de toute façon, ce qui paraissait pertinent à la vue des premiers entretiens menés, et du coup, je me suis davantage intéressée justement au contenu des médias mentionnés par les enquêtés. Et du coup, j'ai mené des ethnographies des sites qui étaient cités lors des entretiens. Et donc, du coup, j'ai simplement décidé non plus de déléguer l'observation de leurs pratiques aux individus, mais par contre de leur déléguer finalement la catégorisation des sources, des sources médiatiques et des sources d'informations qu'ils mobilisaient. Et donc moi j'ai décidé, bon j'ai abandonné l'intention initiale d'appréhender justement de classifier les usages de manière peut-être plus pragmatique et plus exhaustive. Et je me suis vraiment beaucoup plus intéressée à la représentation que les individus avaient de leur propre usage et par cela du coup de la manière dont ils mentionnaient et qualifiaient les sources d'information. Du coup j'ai mené des entretiens qui duraient environ 1h30 ou plus et lors desquels de façon continue j'ai soulevé la question des usages, c'est-à-dire que j'ai pas consacré un temps de l'entretien à ça, mais j'ai vraiment fait en sorte que la question des usages revienne en continu dans l'entretien. Alors finalement, moi, cette méthode, j'ai trouvé qu'elle a, finalement, elle a assez bien fonctionné. D'abord parce que les biais de l'entretien qui sont la rationalisation, notamment des pratiques, sont bien connus et assez repérables. Et donc, du coup, ça m'a quand même permis de saisir des usages informationnels et même de comprendre les différents niveaux d'engagement que les individus pouvaient avoir par rapport à cela. Et donc, par exemple, j'ai interrogé... Les enquêter sur les médias mobilisés, et aucun, quand je posais la question « Quels sont vos usages ?», aucun n'a mentionné la radio. Okay. Quand, plus loin dans l'entretien, je disais « Mais sinon, vous écoutez la radio ?», plusieurs personnes m'ont dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. » Parce qu'en fait, la radio... Alors, il passait d'abord par une phase de critique. « Oui, mais j'écoute cette radio. Il y en a une qui m'a dit « Parce que je capte que ça. » Et les autres « Ouais, j'écoute, mais bon, j'aime pas trop, machin. » Donc, de toute façon... il y avait une distance prise par rapport à ce média-là. Et puis, en fait, ce qui est apparu, c'est qu'il n'écoutait la radio que dans le cadre d'une situation de multi-activité. Donc, dans un des cas, c'est parce qu'elle faisait la cuisine en même temps, ou voilà, elle avait une radio dans sa cuisine. Et donc, finalement, c'était un usage qui n'apparaissait pas pour eux comme un acte informationnel. Mais par contre, en allant plus loin, ils se rendaient, eux, compte qu'effectivement, souvent, ils allaient entendre une information qui rentrait... par une oreille vaguement, mais aller plus tard, quand ils auraient un peu le temps, aller l'approfondir sur d'autres supports. Donc eux-mêmes, finalement, finissaient par concéder que ça apparaissait quand même comme une source d'information. Donc voilà, finalement, j'ai plutôt mobilisé cette méthodologie, avec du coup un entretien construit en forme de répétition, et du coup, pour voir apparaître au fil des entretiens des informations nouvelles qui venaient pas de manière évidente au départ. Donc, ce qui me permettait effectivement de situer les différents niveaux d'engagement par rapport aux usages médiatiques. Mais c'est aussi une méthode qui m'a permis de voir apparaître du coup des processus d'élaboration de parcours informationnels par les individus. Alors, vu par les individus. Dans les faits, je ne sais pas si ça se passait exactement comme ça, mais en tout cas, j'ai vu vraiment des stratégies déclarées avec des personnes qui, par exemple, il y avait un enquêté qui, en fait, allait systématiquement vers les médias traditionnels parce que c'était les plus accessibles, piocher un certain nombre d'informations d'actualité, puis après aller systématiquement, enfin celles qui les intéressaient, aller les approfondir sur des sites internet et passer par... alors c'était assez étonnant la manière dont ils fonctionnaient, c'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas des informations sur l'information, mais ils cherchaient des personnes qu'ils savaient qui s'intéressaient aux thématiques de l'actualité. Et donc aller sur YouTube, par exemple, et chercher une conférence de Intel qui parle de ce fait d'actualité. Alors, qui passait par les individus et non pas par l'information. D'autres qui n'allaient que sur les mêmes sites. Et donc du coup, qui effectivement entendaient une information à droite ou à gauche et allaient voir ce que leur site en disait. Enfin, voilà, il y a eu vraiment plusieurs stratégies informationnelles qui sont apparues comme ça. Voilà, mais c'est aussi une méthode qui a permis de voir apparaître les temporalités personnelles des individus en fonction des temps de travail, etc., etc., et comment ils organisaient ils organisaient leur pratique informationnelle, qui, je le répète, était quand même relativement dense. Voilà. Et en fait, en écoutant tout à l'heure la discussion, m'est venue une autre idée. Justement, c'est vrai qu'on n'a pas trop... j'aurais tendance à dire qu'on n'a pas été trop formés avec les schémas. Et c'est vrai, par exemple, dans l'analyse de réseau, on fait ça, c'est-à-dire que, nous, on est assistante de recherche en ANR, et c'est ce qu'on fait, en fait. En partant d'un article scientifique, on dessine un réseau, et on soumet ensuite, dans le cadre d'entretien, ce réseau, cette constellation de noms, et ça permet, effectivement, d'avoir à la personne enquêtée un regard sur un univers de référence, etc. Donc, je me disais qu'il aurait pu être intéressant, même avec des trous, de représenter une espèce de parcours informationnel, même s'il n'était pas valide, et du coup d'interroger, enfin en tout cas de faire réagir la personne enquêtée sur un parcours informationnel qui lui était attribué. Voilà. Merci hein, pour l'intervention. Très très intéressante. Moi, ça me fascine beaucoup cette capacité des acteurs à mobiliser ces différents types de médias en fonction des pratiques, du temps, de l'environnement. Alors, tu dis à un moment que ce ne sont pas des pratiques ni limitées dans le temps ni dans l'espace. En tout cas, on a des stratégies d'ajustement selon les espaces, en fonction du temps. En fonction aussi, tu en as parlé, des représentations qu'ont en tout cas ton échantillon de certains médias. On a en tout cas de l'élaboration, la mise en rapport, de l'espace et la recherche du média le plus rentable en fonction d'où on est, à quel moment de la journée. Donc ça, je trouve ça très, très, très intéressant. C'est vrai, il y a vraiment un travail à faire sur comment finalement les individus se représentent les médias vraiment en fonction de toutes ces variables. Et je voulais te demander en fait, est-ce que tu as confronté et comment tu as confronté finalement ces différents usages en fonction de ton échantillon, en fonction de tes acteurs, et finalement, on a quelle catégorie d'âge dans ton échantillon Enfin, il me semble pas que tu aies précisé à qui. Voilà, déjà. Je réponds. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas ni donné de variables d'âge ou de genre. D'accord. Qui sont effectivement générales. Ce qui ressort des études, alors là, c'est pas la mienne, mais des études qui sont menées justement sur les usages informationnels, et notamment sur les usages informationnels sur Internet, c'est les deux variables. Représentatives qui ressortent de ces usages-là, c'est un, la catégorie socio-professionnelle et le niveau d'études, et deux, d'ailleurs plus le niveau d'études que la catégorie socio-professionnelle, même si c'est mieux. Et deuxièmement, l'intérêt pour la vie de la cité en amont. C'est-à-dire, en gros, ce qui est dit, c'est que dans ces travaux-là, ce qui est dit, c'est non, les individus ne se mettent pas à s'intéresser à l'actualité. Parce qu'il y a Internet, il s'intéresse à l'actualité sur Internet parce qu'il s'y intéresse par ailleurs. Et il s'y intéressait avant. Dans le cadre de mon échantillon, l'âge, c'est, on va dire, si mes souvenirs sont bons, c'est entre 22 et 32 ans, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est quand même déjà assez jeune. Et de toute façon, voilà, c'était dans le cadre d'un mémoire, donc c'est de toute façon, on essaie de trouver des gens assez rapidement, donc effectivement, en cherchant autour de moi, voilà. Et puis comme il y avait cette variable quand même sélective d'usage d'Internet, ouais. Effectivement, il y a soit des plus jeunes, soit après, voilà. Et effectivement, voilà, ce qui ressort, c'est que les catégories d'âge et de genre ne sont, en fait, une fois que ces deux catégories-là, enfin, que ces deux variables de niveau d'études et d'intérêt pour la vie de la cité sont posées, le genre et l'âge n'apportent pas en fait des variations. D'accord. Moi, je voulais te remercier d'avoir pris le séminaire comme un séminaire, c'est-à-dire où tu nous rappelles nos différents obstacles face à la société. ça fait du bien de se le dire, quoi. Souvent, on se dit pas, ah ben j'ai essayé cette méthode-là, mais ça n'a pas marché. Franchement, c'est, je crois que c'est ça un séminaire, c'est pour raconter un peu nos obstacles, mettre en question certaines choses, proposer le début d'une réflexion pour voir si ça vaut le coup d'aller plus loin, etc. Et c'est, je remercie d'avoir fait part, mais c'est vrai parce que souvent on ne le fait pas. Mmh. Et en fait, c'est intéressant, et puis voilà, ça c'est honnête. Donc, ça fait partie de la recherche, mais souvent on ne le dit pas. Donc, ouais, c'est... Ça, c'est... Et puis, donc j'aurais juste deux remarques, ou alors deux pistes de réflexion, si j'ai bien saisi ton propos. Alors, la première chose, c'est par rapport à l'action située. Mmh. Alors, c'est aussi du fait que je viens juste de lire un article sur la différence entre situation et contexte. Et ce qui est intéressant, dans le terme de situation, c'est que c'est un impact en retour. C'est-à-dire que l'action impacte en retour le milieu. Et donc, du coup, la situation considère à la fois l'environnement comme ressource pour l'action, mais également les conséquences de l'action. Et donc, du coup, ça me fait réagir sur... Parce qu'à la fin de ton exposé, je me suis dit, donc, c'est par des informations, c'est par des sources d'informations, elles, rythmées, les émissions radio, le journal télévisé, dont tu nous as dit dès le début... que eux avaient un rythme de diffusion, ils étaient diffusés à telle heure, ils étaient préparés comme ça, ils étaient réceptionnés à telle heure par leur auditeur. Donc c'est donc par ce type d'information que je dis rythmée, qu'on va aller vers des informations, elles, non rythmées. Mmh. Donc c'est par les conséquences d'une réception d'informations rythmées, donc c'est par les conséquences d'une action peut-être habituelle, tu dis on va allumer la radio par habitude, on va regarder le journal de du 20h par habitude, que ensuite on va réengager une autre action vers des choses non rythmées. Donc ça, j'ai l'impression que, en tout cas, une des richesses de ton propos, c'était celui-ci, et une des conclusions, c'était celle-ci, c'est-à-dire que au début, toi, tu t'es intéressé vers allons voir ce type d'information qui ne semble répondre à aucun rythme, ni de diffusion, ni de consommation. Et en fait, on voit que ces informations-là, elles sont en fait conditionnées par les autres préalables qui, elles, sont formatées selon un temps plus précis. Et donc, c'est là, je crois qu'il y a certainement un truc plus fort à creuser. Mais c'est ça, mais en fait, ça, c'est d'autant plus vrai, en fait, que cette idée-là, elle part encore, d'une chose encore plus forte, à savoir que moi j'avais, donc je le répète, j'avais quand même affaire à des gens qui maîtrisent qui maîtrisent cette activité de informationnelle, c'est-à-dire des gens qui effectivement correspondent à cette variable, puisque la plupart avaient quand même un niveau d'études plutôt élevé, et en tout cas de manière certaine un intérêt pour la vie de la cité évident, puisque certains étaient militants par ailleurs, etc., et militantes. Ce qui est moins vrai pour des personnes qui ne maîtrisent pas forcément ces activités, etc. Effectivement, il y a une enquête qui a été menée avec un échantillon beaucoup plus divers, où il apparaît clairement que, justement, tous ces médias de masse plongent les individus aujourd'hui dans une espèce de bain médiatique. Et c'est un enjeu réel pour les individus d'être capables de gérer ces flux d'informations-là. Et tout le monde n'est pas armé de la même façon devant ces informations qui arrivent, qui sont extrêmement denses, etc. Et du coup, voilà, là-dessus, mon échantillon n'est pas représentatif, parce qu'eux, ils jouent très bien de ça. Donc, ils arrivent à s'en sortir et à savoir où ils se situent. Et en fait, ce que disent d'autres personnes, donc Fabien Grandjean et Aurélien Fulgoc, dans le cas précis, disent qu'effectivement, il y a des individus qui, face à cette densité d'informations-là, vont avoir soit une attitude carrément de rejet, parce qu'ils se sentent complètement dépassés, et ne se sentant pas capables de maîtriser justement les informations qui leur arrivent, vont décider de mettre à distance toutes les informations d'actualité qui peuvent leur parvenir. Et d'autres, au contraire, qui du coup vont se conditionner à un média parce que justement, ils ne se sentent pas capables de gérer toute la diversité qui peut y avoir. Quoi. Donc, c'est d'autant plus vrai. C'est vrai que... Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée. Et je trouve que l'entretien, pour le coup, a été une méthodologie qui, pour ça, fonctionnait bien. C'est que ce dialogue entre médias de masse et médias... nouveaux médias, enfin, c'est un peu difficile à qualifier, à catégoriser, pour le coup. Mais, et puis, entre médias de masse et médias alternatifs, ces dialogues-là ressortent vraiment bien, quoi. Et c'est vrai que... Ils correspondent. Mais bon, après, je reste quand même sur ces choses-là, je reste quand même plutôt prudente, parce que je pense que là, pour le coup, mon échantillon là-dessus n'est absolument pas représentatif, et que les répétitions que j'ai pu voir ne sont pas forcément. Enfin, il faudrait faire une enquête sur un échantillon beaucoup plus vaste pour en tirer des conclusions réelles dans ce dialogue média de masse, média alternatif. Parce qu'eux-mêmes ont des dialogues, en fait. Il y a des informations qui fluctuent entre les médias de masse et les médias alternatifs. Donc. Et puis, bah oui, ma deuxième remarque, c'était sur les schémas. Oui, je crois que c'est un outil, la schématisation, la représentation, qu'elle soit cartographique ou des choses comme ça, qui nous permet de figer le temps pour l'analyser. Enfin, faut qu'on arrive à trouver des représentations qui nous aident à analyser la dynamique. Alors, soit la dynamique de temps, soit la dynamique de relation entre les différents objets dans différents temps, etc. Mais je crois que, même si le résultat n'est pas là, mais de se confronter à ça nous permet quand même de mieux cerner nos objets. Alors là, j'avoue que j'ai du mal à cerner le tien, mais il y a des choses dans les parcours où... Alors, sur la fin de ton propos, me revenait en mémoire ce qu'avait fait une personne du laboratoire il y a plusieurs années sur les dynamiques d'habité. Et donc, ils avaient réussi à cartographier... c'était comment le focal là ? L'échelle de l'habité. C'était l'échelle de l'habité. Et du coup, Serge Thibault pourrait vous en parler, mais c'était une schématisation très très parlante. En fait, ils allaient interroger une première fois les gens en leur demandant qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous vous déplacez dans votre vie quotidienne. J'habite là, je travaille là, je vais passer mes vacances là, je vais souvent à la ville d'à côté faire mes courses, etc. Et puis, ils avaient ensuite proposé, ils étaient revenus pour faire l'entretien, et ils avaient proposé une cartographie de l'habité. Et donc il s'avérait que la ville de villégiature était représentée de façon très importante, parce que en fait pendant l'entretien la personne nous avait parlé beaucoup de cette ville de vacances, parce qu'il y allait quand il était enfant et qu'il aimait bien ceci et qu'il se rappelait de cela, qu'il y avait quelque chose dont il était proche, alors que concrètement il passait pas beaucoup de temps, mais c'est qu'il avait beaucoup de vécu, de représentation de cet espace-là. Et donc, c'était une carte qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et ça avait beaucoup aidé après dans le second entretien. Donc voilà, il y a certainement de cartographier un parcours et un temps qui peut être refait sur d'autres objets. Donc, je sais pas, que ce soit les médias, quand est-ce qu'on... On va aller voir combien de temps on les a, est-ce qu'on les entend, est-ce que du coup ils nous renvoient vers d'autres types de médias qui ne leur ressemblent pas du tout, et essayer peut-être de schématiser le parcours des médias dans un temps quotidien. Je suis sûre qu'il y a plein de pistes comme ça qui affineraient. Mais en fait, je pense que la dimension schématique justement de l'analyse, c'est ce qui nous éloigne de cette pratique des schémas. Et en fait, du coup, je pense qu'effectivement, dans ce cas précis, la diversité des parcours selon les individus. Là, j'avais pas un gros échantillon, mais pourtant, sont apparues des logiques différentes. Mais donc, comme un schéma, comme outil d'analyse, je suis pas sûre que ce soit pertinent, parce que trop schématique. Par contre, un schéma comme outil d'enquête, là, c'est quelque chose auquel j'avais absolument pas pensé. et que je trouve vraiment, pour le coup, extrêmement pertinent, parce que ça permet de donner corps et matière à quelque chose qui est en flottement, et ce qui peut vraiment déclencher, je pense, une réflexion. C'est le principe qu'on avait, enfin, qui a développé, et Romeo, tu connais ça aussi, sur Périvier, après, donc en fait, dans le même, c'est un peu la même idée, parce qu'en fait, on faisait du fichage de gens, on leur filait un GPS pendant une semaine, et on regardait leur déplacement, et l'idée, c'était effectivement, on s'en fichait un petit peu du tracé, mais les faire réagir, en fait, faire ce qu'on a un entretien de réactivation par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, la même démarche est relativement facile à faire avec un site web. Et là, j'ai eu une question bêtement méthodologique. T'as expliqué pourquoi ça échouait la capture d'écran. Ouais. Est-ce que l'historique fournit pas une information suffisante? Parce que j'ai essayé de réfléchir. La limite que je vois, c'est la dernière page vue. Et là, je ne sais pas quand elle s'arrête. Mais si je suis dans un moment de parcours, hein, par exemple, je sais pas où je vais être sur Internet, je vais buller, etc., puis utiliser des liens, ça me donne le temps, je sais pas. Bah, le problème avec les historiques, j'y avais pensé en fait, quand j'ai vu que ça marchait pas mon truc, j'ai pensé aux historiques. Mais la difficulté avec les historiques, c'est que ça donne... Enfin, il faut que ce soit fait quand même sur un minimum de jours pour que ce soit intéressant. Sauf que 4 jours avec quelqu'un qui utilise beaucoup Internet, c'est des données énormes. Et qui finalement, en fait, par exemple, là sur les 10 secondes moi, que j'avais déterminées, concrètement, en 10 secondes, quand on cherche une information ou qu'on est dans du butinage comme ça, en 10 secondes, on peut ouvrir et fermer énormément de choses. Donc déjà, dans ce délai de 10 secondes où il n'y a pas de photo d'écran, déjà, on perdait des informations. Dans l'historique, on va voir arriver des choses qui... Enfin voilà, quantité de sites qui ont été ouverts et fermés, sauf qu'on n'a pas forcément une idée du temps qui est resté. Voilà, puis en plus, il y a... Sur les jours, tu vas chercher la même information. Tu disais un peu ce que tu fais, toi, sur de la liste statistique, pour, entre guillemets, par exemple, dégager, c'est toi qui parlais de ça, de bruit tout à l'heure, tu vois, en dessous de, je sais pas, 5 secondes, ou si c'est juste, ah mince, je me suis trompé de page, je referme, j'imagine qu'il y a des moyens... Non, ça peut être intéressant de retracer les parcours comme ça, et de faire sortir du coup des espaces d'informations qui reviennent de manière récurrente. Voilà. Après, de toute façon, dans le cadre de cette recherche-là, d'une part, pour faire ça, il faut quand même après derrière avoir un dispositif technique qui permet de traiter les données qu'on récolte. Là, j'avais pas le temps ni l'idée de comment on pouvait faire. Et deuxièmement, c'était le même problème en fait qu'avec les captures d'écran, c'est le truc de l'intimité. Et c'est complètement fou de voir. Vraiment, les gens, quand on leur dit je vais venir bidouiller des trucs dans ta machine, non. Ouais, c'est toujours pareil, mais... Voilà. Non, mais c'est. Justement, par rapport à ça, je me pose la question en fait. Bah, finalement, ils disent non, j'ai pas envie que tu viennes regarder ce que j'ai fait sur mon ordinateur. Et au moment de leur faire un entretien, je me dis jusqu'à quel point les réponses elles sont vraiment réelles. Je veux dire, elles sont en correspondance avec les pratiques réelles. Et elles ne sont pas en correspondance plutôt avec des pratiques socialement acceptées ou bien vues. Et là aussi, je me dis peut-être qu'il y a jusqu'à quel point ces données-là, elles sont vraiment fiables, je ne sais rien. Mais c'est une question qui m'est revenue. Mais en fait, j'ai fait tout un chapitre de mon travail justement sur la représentation que les enquêtés donnaient d'eux-mêmes, sur les qualités qui s'attribuaient. Moi, je suis quelqu'un de relativement curieux, donc je vais un peu chez tout le monde. Voilà. Donc du coup, c'était complètement en fait inclus dans la recherche de voir eux ce qu'ils projetaient sur les sites. Par exemple, j'avais une enquêtée, mais c'était très marrant et à la fois déconcertant pour moi parce que je savais plus trop comment traiter les choses. Mais par exemple, j'avais une enquêtée pendant un long moment de l'entretien qui me parle d'un journal papier, un journal alternatif qu'elle consommait. Alors visiblement, moi, je crois comprendre tout ce qu'elle me dit, qu'elle le consomme énormément, que presque elle y habite abonnée, quoi. Donc je finis par lui demander, effectivement, mais t'es abonnée, machin. Non, pas du tout. Et du coup, tu l'achètes tous les combien? Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle l'achetait peut-être 3 fois par an. Mais elle, pour elle, c'était un média qui était qu'elle présentait comme central dans sa façon de s'informer. Parce que c'était un média qu'elle... Mais c'était très étonnant, parce qu'à la fois, j'ai envie de lui dire, mais tu peux pas t'informer si tu lis... Et en plus, avec quelqu'un qui consomme de l'information quotidiennement. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, c'est pour ça qu'après, c'est ce que j'ai dit. Quand j'ai abandonné ces méthodologies-là, je me suis vraiment... J'ai déplacé mon questionnement vraiment sur les représentations, etc., etc. Ça traduit pas mal de choses sur le sujet des médias, notamment le degré de conscience qu'on accorde, parce qu'effectivement, il y a ce qui est de l'ordre de la représentation, genre, il me plaît de me présenter comme le lecteur de X journal alternatif, et pas, effectivement, c'est le déclaratif, les caricatures habituelles de tout le monde regarde Arte, mais les comptages disent le contraire. Il me plaît donc de me présenter comme ça, mais par contre, peut-être que quand je dis je regarde Arte, c'est parce que j'accorde un degré de confiance à l'information qui provient, etc. Et du coup, c'est vrai que là, tu as un matériau qui doit être assez difficile à analyser pour dire à quel niveau je me situe, quoi. Ouais. Parce que oui, je fais plus confiance, j'en sais rien, au monde qu'à TF1, ouais. Mais par exemple, je passe peut-être plus de temps. Oui. Ben, je... C'est ça. Non, tout à fait. Mais en fait, c'était vraiment, c'est pour ça, ce que je dis, c'était un entretien qui était construit de façon répétitive, en fait. Parce que du coup, à chaque fois, un média mentionné. Ah, mais du coup, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te situes par rapport à ça? Et en fait, moi, à l'entrée de... Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi la dimension de l'engagement politique et idéologique des personnes, sachant que j'avais un échantillon, pour le coup, sur ce côté-là, qui était quand même assez représentatif, puisque c'était soit des gens d'extrême-gauche, soit des gens qui refusaient carrément de se situer sur l'échiquier politique. Et donc, du coup... voilà, concrètement déjà, c'était particulier par rapport à ça. Et donc en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je commençais mes entretiens en leur demandant de se présenter, donc qu'est-ce qu'ils faisaient, qui ils étaient, mais aussi de se présenter politiquement et idéologiquement. Alors, chose extrêmement difficile à faire, mais justement, et c'était intéressant de voir des gens qui partaient, alors à partir de 15 ans, machin, et qui remontaient comme ça, des personnes qui étaient incapables de développer ça. Et donc du coup, tout de suite, il y avait cet ancrage-là. Et donc du coup, tout de suite, il y avait cette réflexion effectivement entre usage réel, puisqu'à chaque fois que je demandais le rythme, etc., et usage et les représentations qui étaient associées à ça, en fait. Mais c'était pas si difficile à analyser finalement, parce que par exemple, sur des militants qui mobilisaient le blog de leur collectif pour s'informer, bon, on peut assez vite faire un lien... Pourquoi justement travailler uniquement sur des gens qui ont cet intérêt pour la cité? Parce que je veux dire, les informations, ça dépasse très largement le cadre politique, et justement un des gros problèmes de la sociologie des médias, c'est de ne faire comme si les seuls journaux qui existaient, c'était les journaux nationaux, la seule presse qui existait, c'était la presse nationale, la presse politique, etc., alors que les gens lisent Les Chiens Écrasés et la rubrique nécrologique. C'est ce qui est le plus vendu, mais en quotidien. Enfin, voilà, des journaux locaux, et que c'est des pratiques d'information qui ont une importance considérable de la vie quotidienne. Enfin, c'est des choses qui sont super importantes. Donc, du coup... Enfin, y compris sur Internet, et puis par ailleurs, sur Internet, l'information, elle peut considérer les passions, la musique, le cinéma, enfin, la culture, les loisirs, tout, quoi. Enfin, donc pourquoi s'être focalisé sur ce qui est le plus travaillé, finalement, par cette sociologie-là? Enfin, je dis pas que c'est pas du tout intéressant, non, mais... je prends pas comme ça. effectivement, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, les études qui montrent, justement, qu'est-ce qui définit le fait qu'on aille ou non s'informer sur Internet, etc., etc. Pour moi, c'est des études qui sont effectivement non seulement extrêmement intéressantes, mais fondamentales pour comprendre réellement la structuration du monde médiatique et les nouveaux enjeux liés justement à la diffusion d'informations sur Internet. Dans mon cas précis, là, pour cette étude, c'est qu'il fallait à un moment donné définir une variable. Cette variable-là, moi, je l'ai définie donc avec l'utilisation de plusieurs médias. Et au moins l'utilisation d'Internet, donc même si c'est un seul site, mais voilà. Alors effectivement, oui, c'était une étudiante inquiète de Master 1 qui avait peur de ne rien avoir à traiter à la fin, et donc qui assurait ses arrières. Et effectivement, à ce moment-là, j'avais pas connaissance de ces... Mais d'ailleurs, à ce moment-là, ces études n'avaient pas encore vu le jour, donc je savais pas qu'est-ce qui conditionnait les usages par rapport à Internet. Ouais. Parce qu'elles datent de 2011 et elles sont encore en cours, donc c'est quand même assez... Voilà, donc c'est sûr que par la suite, moi j'ai réussi à beaucoup mieux situer mon échantillon. Dans un premier temps, c'était assez flou à définir, quoi. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a été reproché par la suite, de ne pas assez bien définir, mais parce que je ne me sentais pas vraiment capable de le faire. Non, mais je veux dire, en fait, au fond, c'est la définition même de l'information comme exclusivement l'information politique. Ah. Enfin, c'est au fond, la critique, elle porterait là-dessus. C'est-à-dire, qui est en fait une vision misérabiliste, enfin légitimiste en tout cas, de la culture et des médias, qui fait comme si la seule information valable, c'était l'information, la grande information, l'information légitime, celle que lisent les classes supérieures, les gens informés, politiques, etc. Je veux dire, il y a tout un ensemble de travaux sur la question justement de la citoyenneté, du rapport aux politiques, de la compétence politique, etc., qui essayent de revaloriser un petit peu son... On n'a pas arrêté de dire que les classes populaires, de toute façon, ne connaissent rien de la politique, n'y comprennent rien, ne savent pas situer les partis, etc. Alors que concrètement, on sait qu'ils peuvent avoir des opinions très tranchées et fondées sur des critères tout à fait rationnels, et des raisons... Enfin, voilà. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là, en fait, que... D'accord. Que bah, critique, mais évidemment, je comprends les contraintes de Master, on est tous passés par là. Voilà, et, ça. La réponse est un peu la même, c'est-à-dire qu'effectivement, ça, c'est cette thématique d'actualité, elle a été aussi définie, enfin, malgré moi, mais pas du tout dans le sens négatif, mais par mon échantillon, en fait. Après, honnêtement, aujourd'hui, moi, mes ambitions de recherche, avec un petit A, elles sont passées de l'autre côté de l'écran, puisque moi, j'ai envie de m'intéresser à ceux qui produisent et diffusent de l'information. Mais très honnêtement, moi, ce qui m'intéresse, mais parce que ça m'intéresse par ailleurs, c'est effectivement l'actualité politique ou l'actualité économique et ces thématiques-là. Alors, certes, c'est... Mais enfin, ça ne veut pas du tout dire que je considère que le reste n'est pas légitime ou pas du tout. Après, voilà, c'est un intérêt de chercheur. Enfin, là, pour le coup, je suis très honnête là-dessus, quoi. Maintenant, et je serai encore plus honnête en disant que la thématique d'actualité sur laquelle je travaillerai, de toute façon, je la délègue presque à qui veut bien me financer. C'est-à-dire que voilà, je suis aussi consciente que la commande, elle n'est pas forcément celle-là. Et que pour le coup, c'est une question d'intérêt, et sur ce point-là, en tout cas, je suis quand même très contente d'avoir eu la chance de pouvoir travailler sur ces questions-là. Bon, merci à vous deux pour ces deux interventions très riches. On va s'accorder une petite pause de 5 minutes. Avant de conclure ces journées, avec l'intervention de Serge Thibault sur les temporalités dans les sciences d'action et du projet.